un banlieusard qui a décidé de foncer sombre. Comme toutes les sacs à décider de France sombre. Comme un mec en noir dans ton cœur sombre. Comme un mec qui arrive pas mais qui tente encore. Ma banlieue, Dieu des narvals au sombre. Rien que tu respires l'air, c'est comme si t'avales un sup. Et la nuit ça fout le trash, tu tires une sale tronche. Mais plus on te tronche et plus tu t'attaches sombre. Comme une psychopathe qui est toxique et bute. Bref, quand t'as pas ta danse, tu vas taxer tes poids sombres. Comme de niquer des îlotiers sombres. Comme quatre têtes cagoulées dans une auto sombre. Je le répéterai pas assez sombre. Comme d'entendre mon flow se poser sur la basse sombre. Comme un braco sans otage sombre. Comme un schmick qui s'est mangé plus de 100 outrages sombre. Comme un Gérard dans une ruelle trop cruelle. Personne n'est venu pourtant t'as crié sombre. Comme les condés qui viennent de griller. Mets le pied à l'étrier car tes rats est quadrillé sombre. Comme le cimetière de Montreuil sombre. Comme les mecs de l'usine qui mitraillent sombre. Comme les égouts de Panama. Mon mic c'est qui le bonhomme. Tu trouves ça cool mais y'a pas le binôme j'plombe. Quand c'est simple ou quand je passe un sombre. J'essaie de faire des bonnes choses mais je ne suis pas un saint sombre. Quand ça sort le sabre, c'est tout le temps j'traque ben et ça veut faire le sobre sombre. L'économie souterraine et s'y danse dans tous les quartiers, dans toutes les résidences sombre. Comme un terroriste qui ira dans le désert, j'arrive tel un bulldozer et toi pédale tu sors sombre. Comme le 93 son tout entier sombre. Comme une vieille qui suce des bites en son dentier sombre. Arrête d'inventer, ça sert à rien de te vanter. Tu vois les Schmitt, t'as envie de t'évader sombre. Le son qui vient t'éventrer sombre. T'as tellement eu le trash alors tu t'es vautré sombre. Tout est si sombre ici, les rimes viennent s'embrasser. Si mon trail est là, le feu va s'embraser sombre. Comme El Picsou, insomniaque sombre. Comme Varaclon contre un seul mec sombre. Comme le chamar du bout de la rue sombre. Comme mon écriture, c'est pas du bout de l'air sombre. Jusque dans les veines, les faux MC tu les vannes. Et c'est sûr de ce que tu leur fous. Sombre comme un tueur fou. Sombre comme un dealer faible. Sombre comme un tueur fou. Sombre, ça fait mal au crâne. Mais c'est normal, ça vient des bas-fonds. Là où ça veut des bifs. Sombre, en dessous de chez moi, c'est les catacombes. Sombre, quand t'es dans le trou et tu creuses ta tombe. Sombre, quand c'est les catombes. Quand t'aimes boxer les catins. Parce que tu sais que célébrité, c'est négatif. Sombre, comme la banlieue parisienne qui n'a pas mis ses parisis. Tu veux devenir fou, c'est par ici. Sombre, quand on a foqué une raclique a dit oui et qu'après on a besoin d'un avocat. Sombre, comme ce pédaveur de crack. Qu'a plus de neurones et qui devient bagaveur de grec. Sombre, tout est si sombre ici. Je sais pas s'ils apprécient l'usine soi-disant. On est si sa présence sombre. Comme ce fils de pute d'Hitler. Les mecs dites-leur que quand on arrive on maîtrise toute l'art sombre. Rare de voir un ancien heureux sombre. Quand tu dis que tu vas finir comme un chien errant sombre. Comme un Mac avec des mimiques. Qui crie avant sandwich en même temps qu'il crame un mec sombre. Comme à chaque mesure, je provoque un choc messieurs sombre. Comme le meurtre de Jacques Mesrine sombre. Comme un tueur en série qui tue ses victimes avec ses dents acérées sombre. Quand y'a bombe, quand y'a fusil à pompe sombre. Quand ici la résine abonde sombre. Comme l'équipe du hall, même seul ou en duo. Fais attention fiston si tu oses, écoute le virtuose sombre. Comme la couleur de mes potes. Alors que Jean-Marie Le Pen voudrait ma bite sombre. Quand les mecs de Montreuil sont en surnombre. Sois pas sournois, avoue que tes vers sur moi sombre. Comme ce mec normal dans l'asile. Et à cause des pilules, il croit que son cerveau est dans le sol. Sombre, comme tout ce qui se passe là. Sombre, dans ton esprit quand t'as les bracelets. Sombre, si vous comprenez quelque chose, faites un signe. En tout cas maintenant t'es vert et c'est ainsi. Sombre.